Alors, ce matin, on va terminer ce que notre frère René a débuté la semaine dernière avec dans Jean, chapitre 4. Et nous allons terminer ce texte, ce grand texte, à partir du verset 27 à 42. Alors, on s'introduit dans la deuxième partie du texte. Alors, Jean, chapitre 4, verset 27 à 42. Alors, le titre du message ce matin, c'est « Évangéliser selon Jésus ». OK? C'est sûr que Jésus est l'évangéliste par excellence. OK? C'est lui le modèle. C'est lui qui vraiment nous enseigne de comment faire. Mais dans ce sujet-là, on va voir comme thème ce matin. OK? Trois principes qui rendent Jésus efficace. Qu'est-ce que Jésus fait comme principe pour qu'il soit si efficace? OK? Il y en a trois ce matin qu'on va observer. Un, il laisse la liberté aux gens. Okay? Il ne met pas de pression. Tu es libre de dire oui ou non. Deux, il va enseigner ses disciples que ça se fait en équipe. Vous allez voir le moissonneur, vous allez voir le laboureur. Alors, ça ne se fait pas tout seul, l'évangélisation. Et le troisième principe, que je crois qui est très important aujourd'hui, c'est la disponibilité. Il faut que tu sois disponible, là. OK? Si tu dis, moi j'ai des heures, puis si ça sort entre les heures, je le fais pas, là, c'est sûr que ça fonctionnera plus ou moins bien. Alors, c'est clair qu'avec ces trois principes-là, on peut voir vraiment que Jésus est efficace. Une des choses qu'on peut voir au verset 27, si vous voulez venir avec moi, bien m'accompagner, verset 27, ceci. Là-dessus, arrivèrent ses disciples et ils furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle? » Il est clair qu'au verset 8, Jésus, les disciples, ils avaient faim. Puis là, les disciples ont été au centre d'achat de Sychar. Okay? Ils arrivaient du centre d'achat, ils ont acheté de la nourriture. Puis après avoir fait leurs emplettes, ils reviennent. Puis au verset 27, ça nous introduit maintenant la deuxième partie du texte. Ils furent étonnés, OK? Puis aucun ne posa de questions, parce qu'on a vu que par René, la semaine dernière, que la culture juive avec les femmes, hommes-femmes, là, c'était très, très différent de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, OK? Très, très différent. Puis d'avoir un homme qui parlait à une femme, puis surtout sans témoin, là, OK? Sans témoin, c'est quand même quelque chose. C'est pour ça que moi et Roger, on est responsable de l'évangélisation, puis généralement, les gens me posent toujours la même question. Est-ce qu'on doit faire des visites, mettons, comment on s'y prend si c'est un homme? Est-ce que c'est une femme qui peut y aller? Est-ce que si, mettons, c'est un homme, est-ce qu'on doit y aller juste un homme ou deux hommes? Alors, c'est tout le temps le même principe. On dit tout le temps que c'est toujours mieux, quand c'est une femme, aller visiter, c'est mieux que ce soit des femmes. Si c'est un homme ou des hommes, c'est mieux toujours homme. Maintenant, ça peut arriver que, comme hier, on a fait une visite et c'est une femme qui m'a accompagné. OK? Faites une visite samedi matin, c'est une femme. C'est sûr, c'était assez facile, c'était ma femme. OK? C'est que c'était quand même. On n'avait pas trop de problèmes, là. Hein? OK? Je me souviendrai toujours, il y avait une dame qui voulait me rencontrer parce que des fois, là, moi, j'ai dit, je ne peux pas te rencontrer tout seul. Elle dit, si tu viens avec quelqu'un d'autre, je ne veux pas te rencontrer. OK? C'est quand même quelque chose, là. Hein? Fait que, qu'est-ce qu'on fait des fois? Je lui ai dit, si tu veux me rencontrer tout seul, je n'ai parlé avec ma femme. Ma femme a dit, c'est correct, mais ça va être au restaurant. Une fois. OK? Une fois, tu vas me rencontrer au restaurant. Après, ça va être des femmes qui vont te rencontrer. Mais à ce moment-là, j'ai trouvé que des fois, c'est mieux quand il y a plusieurs personnes, alors au restaurant, Tim Hortons ou n'importe quelle entreprise où il y a du monde. OK? Alors, même nous, on fait attention à ça. Surtout quand on lit les journaux, puis vous voyez tout ce qui se passe là. Puis je crois que c'est vrai, l'effet de MeToo, là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? MeToo? Mais des fois, il y a peut-être des gens qui s'introduisent là-dedans avec des mauvais motifs aussi. Fait qu'il faut juste être prudent. Faut pas faire exprès, exemple, OK? Alors, on voit nos amis, là, ils sont gênés de parler avec Jésus parce qu'à cause de la culture. Maintenant, le verset 28 introduit notre premier principe, la liberté. Alors, le verset 28, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait et ne serait-ce point le Christ. » Alors, une chose est sûre, si on regarde à partir du verset 1 jusqu'au verset 28, on voit que Jésus, il a eu toute une discussion, mais il ne met pas de pression. Même si, quand on a vu Nicodème avec moi, si vous avez remarqué, il a laissé Nicodème, même on ne voit même pas que Nicodème a fait une profession de foi. On ne voit même pas que Nicodème a pris une décision là, sur le moment. On ne voit pas ça. Jésus, il les laisse, la liberté. C'est important de réaliser ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, là, la liberté d'accepter le Seigneur, la liberté d'accepter la bonne nouvelle, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là en nous. Okay? Nous, on est juste des outils de travail. Okay? On ne peut pas forcer personne d'accepter Jésus. On ne peut pas forcer personne pour devenir chrétien. Puis nous, on vient d'une religion qu'on ne nous a même pas forcé, on ne nous a jamais demandé, mais on avait 8 jours, on ne pouvait pas trop... On ne pouvait pas trop dire on n'était pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? On ne pouvait pas dire ça. Mais il est clair que la liberté, c'est un élément important. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a juste lui qui peut convaincre quelqu'un. Il y a juste lui qui peut vraiment atteindre notre conscience à ce moment-là. Mais malheureusement, dans l'histoire de l'Église, ça n'a pas toujours été comme ça. Je ne sais pas si vous avez lu un peu ce sujet de l'histoire de l'Église, mais avant 300 ans, c'était très dangereux pour ta vie si tu devenais chrétien. Puis là, il y a un homme qui s'est converti, un empereur romain qui s'appelle Constantin. Semblerait qu'il s'est converti, là. Je peux pas vous dire, là. OK? Lui, il s'est converti, fait que c'était un dirigeant. Et il semblerait qu'après 300 ans, c'était très dangereux de ne pas être chrétien. Alors, je peux vous dire que tu devenais chrétien assez rapidement. Okay? Puis, pensez à l'histoire, là, si vous regardez ça là, depuis 2000 ans, pensez à l'Inquisition. Là, quand les Espagnols ont rentré en Amérique du Sud, là, hein? Hey, les gens ils faisaient des professions de foi par la torture. Tu étais prêt tout de suite à signer avec ton sang, là, c'est sûr. Mais est-ce que tu gagnais le cœur des gens? Parce que vous vous souvenez avec René quand il nous a parlé que aujourd'hui, c'est où qu'on adore? Où est-ce qu'il est le temple de Dieu? En nous, dans notre cœur. Alors, dans ce sens-là, malheureusement, dans l'histoire, puis même plus proche de chez nous, je dirais qu'on a eu les pensionnats là, pour les Premières Nations. On a eu les pensionnats des Inuits. Que la religion voulait faire tout de ce monde-là des petits chrétiens. Tu sais, quand tu dis là, qu'il y a des gens qui ont dit que les Indiens, les Autochtones, ils n'avaient pas d'âme. Ah, il faut que tu pousses ça loin, là. Hein? Ça veut dire que tu n'as pas d'âme, là. C'est comme si tu étais un animal. C'est quand même quelque chose. Puis ça ne fait pas longtemps, là. Peut-être 60, 50, 60, 70 ans, les gens devenaient chrétiens par obligation. Mais c'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Les Écritures nous enseignent la liberté. Maintenant, la liberté, quand même, elle a des responsabilités. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça, des fois, on dit, moi, je veux être libre, mais je ne veux pas accepter la responsabilité qui va avec ça. Ça ne fonctionne pas. Tu sais, tu peux faire beaucoup d'enfants si tu veux. Je suis libre d'en faire, il n'y a pas de nombre. Mais ta responsabilité, c'est quoi? C'est d'en prendre soin puis de les nourrir. Okay? Tu ne peux pas juste faire des enfants puis organisez-vous, là. Alors, c'est la même chose pour nous. Quand les gens disent oui ou non à l'Évangile, quand les gens disent un non à l'Évangile, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont des responsabilités. Il faut qu'ils comprennent que ça va les amener sur un chemin qui ne va pas au ciel. OK? Hébreux 7, 29. Alors, si vous voulez tourner pour certaines personnes, juste pour qu'on puisse, ou que vous puissiez voir, Hébreux 7, 29. Hébreux 9, 27, c'est-à-dire? OK. Hébreux 7, 27. 9, excusez-moi, merci. On va l'avoir en gang, là, on va réussir. Ah, il y a des fois comme ça, là. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Okay? Quand tu meurs, là, tu ne restes pas dans la terre. Ton âme se détache du corps, puis va rencontrer son Créateur. Alors, c'est là que c'est important. Puis les gens, combien de fois des gens m'ont dit, « Ah, moi, là, je vais arranger ça le ciel après que je sois mort, quand je vais rencontrer mon Créateur. » C'est-tu une bonne nouvelle de penser comme ça? C'est très mauvais. Parce que ça ne marche pas comme ça. Tu dois régler ça avant de partir de ce monde. C'est important de réaliser cela. Alors, je te dis tout de suite, si tu penses que tu vas régler ça, là, c'est un procès, hein, vient le jugement, tu as besoin du meilleur avocat au monde. OK? Puis c'est qui le meilleur avocat pour cela, ce contexte-là, ce dossier-là? Il y en a juste un. C'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus comme avocat, là, je te le dis, tu vas être perdant. Puis qu'est-ce qui est une bonne nouvelle de Jésus? Il n'a jamais perdu une cause. Ah, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Hey, nous autres, là, avec tout ce qu'on vit, là, avec les avocats, on a perdu à quelques endroits, là. Mais avec Jésus, tu ne perds pas. Alors, ce matin, c'est important de réaliser cela. Tu peux dire, je vais attendre pour prendre cette décision-là. Il n'y a pas de problème non plus. Il y a un soir, j'étais dans une maison, puis on prêchait l'Évangile, puis monsieur était là devant moi. Puis là, j'ai dit, je fais toujours un petit retour sur notre discussion. J'ai dit, est-ce que tu crois que tu étais un pécheur? Il dit, oui. J'ai dit, donne-moi un exemple d'un péché. Des fois, je compte des mensonges. Fait qu'au moins, on s'entendait. Est-ce que tu sais, à cause que tu es un pécheur, qu'est-ce qui va t'arriver? Je vais être séparé de Dieu. Je n'irai pas au ciel. Puis, qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, ce que j'ai besoin, c'est d'un sauveur, puis d'un Seigneur qui s'appelle Jésus. Puis là, je pose toujours la question qui tue. Est-ce que tu es prêt à demander à Jésus de te sauver, puis qu'il devienne ton Seigneur? Généralement, on entend les mouches voler. C'est un moment qui est vraiment... Moi, de façon d'une autre, moi, je trouve ça un miracle. Je trouve toujours ça miraculeux quand je vis ça, parce que celui que je dis, là, il faut que tu parles à Jésus, il ne l'a jamais vu. Il ne l'a jamais entendu. Ça prend la foi, là. Alors, il me regarde. Il me dit, je ne suis pas prêt. OK? Il sait tout ça, mais il dit, je ne suis pas prêt. J'ai dit, est-ce que tu sais, si tu meurs en sortant d'ici, avec la décision que tu as prise, qu'est-ce qui va t'arriver? Il dit, oui, je le sais, je m'en vais en enfer. Je ne suis pas sûr qu'il savait. Parce que s'il aurait vraiment su, là, qu'est-ce que tu fais quand tu crois que tu vas aller en enfer? Tu pries. Hein? Moi, le jour que le Seigneur a touché mon cœur pour ça, à un moment donné, j'ai eu peur de traverser les rues. Pourquoi? Pourquoi j'ai eu peur de traverser les rues, vous pensez? Pour ne pas me faire frapper. Tu meurs là, sans Jésus. Tu es fait pour l'éternité, puis tu ne reviendras pas, là, tu es mort. Dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on doit laisser la liberté aux gens. Puis même des fois, d'autres fois, ça m'est arrivé, je dis à la personne, si tu ne veux pas le faire, je comprends ça. Mais c'est des grandes décisions. Mais peut-être que tu peux le faire ce soir dans ta chambre toute seule. Tu sais, on encourage les gens. On peut encourager, mais on ne peut pas forcer les gens. T'sais. Si on pourrait les forcer, là, hein, on ferait la job. On s'arrangerait pour qu'ils disent oui. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'on ne peut pas forcer les gens. Et ça, c'est important. Alors, le premier principe, il faut être très conscient qu'on ne peut pas forcer les gens, mais nous pouvons les inviter à venir. C'est important de réaliser cela. Deuxième principe qu'on peut voir ce matin, on revient justement dans Jean 4, le verset 36 et 38. OK? Je peux lire quand même jusque-là. Alors, verset 30, « Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns les autres, « Ah, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici ce que je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les versets 36 à 38. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Un deuxième principe qu'on peut voir ici, Jésus leur dit que ça se fait en collectivité, ça se fait en équipe, moissonneur et semeur. Alors, Jésus leur dit, je vous envoie travailler où les prophètes ont déjà travaillé, puis on sait qu'il y avait Jean-Baptiste aussi, qui eux ont labouré et hercé la vie. Alors, quand on est plusieurs, des fois, on rentre dans le travail, dans le plan de Dieu. Un travail, mais on est plusieurs qui veulent l'accomplir. On va rentrer dans le travail de certaines personnes qui ont déjà préparé d'avance dans divers intervenants. Alors, le secret d'une évangélisation efficace, c'est de le faire en équipe. Okay? Pourquoi? Parce qu'il faut être plusieurs. Parce que des fois, ça peut durer des années. On verra ça tantôt. Mais ce qui est important, ça n'a pas toujours été le cas. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 3. OK? 1 Corinthiens 3. OK? 1 Corinthiens 3. Juste pour nous démontrer que ça se fait en équipe, mais il semblerait que les Corinthiens, ils n'avaient pas compris ça, eux, les Corinthiens. OK? Alors, vous avez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Quand l'un dit « Je suis de Paul », l'autre dit « Je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son travail, son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Alors, il semble ici que les Corinthiens n'avaient pas compris qu'il fallait travailler en équipe. Il semble qu'ils voulaient avoir, chacun d'eux avait comme un salaire, une récompense. Mais vous savez, ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous enseigne. Puis, il faut se dire aussi, on est prêt à lancer la pierre aux Corinthiens, mais l'évangélisation, là, le piège, c'est la gloire. Okay? Bientôt, mon troisième livre, il va être écrit. Je vais avoir la première copie en janvier 2023. Okay? Puis c'est vous, vu que mon église locale, c'est vous qui allez l'avoir le premier. Okay? Fait que je ne veux pas qu'il y ait d'autres personnes l'aient avant vous. Okay? Et puis, j'étais en train de négocier avec Sembec. Alors, on va le vendre 15 $, puis il y a 3 $ qui vont aller à Sembec pour la formation. C'est comme un retour. J'ai appris beaucoup, j'ai reçu beaucoup, on a reçu beaucoup, on doit apprendre à redonner. « Hey, mon François Turcotte, il n'en revenait pas. Ben, » Je dis, « François, moi, entre vous puis moi, là, est-ce que vous allez l'amener votre argent avec vous, le bord? » Alors, quelqu'un de 0 à 1 million, ça ne changera rien. En passant, je ne suis pas millionnaire. Okay? Alors, là, voyez-vous, là, il y a beaucoup de gloire dans l'évangélisation. Puis, quand j'ai dit les pièges de l'évangéliste, c'est le succès. Okay? C'est le succès. Allez, moi, là, j'ai amené 5 personnes au Seigneur l'année passée. Wow! C'est quelque chose. C'est rien, ça. Moi, j'en ai amené 10. Puis, on donne la gloire à ces gens-là. C'est vrai que c'est glorieux. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais soyons prudents. D'une façon ou d'une autre, là, Le Seigneur, il s'arrange, comme il a fait avec Paul. Il va te mettre quelque chose dans ta vie pour que tu apprennes à être humble. Okay? Il va s'organiser que tu ne pètes pas trop les bretelles avec ça. Je peux vous le dire. Alors, imaginez là, ceux qui prêchent à des foules. Comment est-ce que ça doit être tentant? Okay? Ça doit être très tentant. Alors, on peut voir ici que les Corinthiens, là, ils chicanaient pour ça. Hey, moi, je suis d'Apollos. Moi, là, je suis de Paul. Puis dans notre monde, là, hein, moi, je suis d'un tel, puis moi, je suis d'un autre tel. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce sont juste des ouvriers au service du Seigneur. Et ça, c'est important de réaliser cela. Alors, il y a beaucoup de gloire dans l'évangélisation. Mais il faut être prudent, et le Seigneur nous connaît. Maintenant, au verset 39, ce qui est très intéressant, on revient, s'il vous plaît, au verset 39. Verset 39, là, il va donner le fruit du travail, parce que, vous venez avec moi au verset 35. Okay? Verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Okay? La moisson, là, quand Jésus parle ici, ça devait se faire à peu près au mois d'avril, okay, dans le contexte d'Israël. Fait que certains commentateurs disaient que tout ça se passe au mois de décembre, à peu près, plus ou moins décembre, dans ce temps-là. Il dit, regardez bien, jusqu'à la moisson. Voici, je vous dis, levez les yeux, regardez, les champs sont déjà blanchis. Bien, ici, là, les disciples vont vivre ça là, dans quelques instants. Okay? Eux vont le vivre, là. C'est eux qui vont le vivre en premier, là, vraiment. Jésus a semé sur la Samaritaine. Puis la Samaritaine, OK, elle a été voir les gens. Puis là, les gens ont cru, là. OK? Puis le texte nous dit qu'il y avait plusieurs Samaritains qui ont cru. Mais ça continue, puis le texte nous dit un beaucoup plus grand nombre. Hey, c'est un réveil. Qui ne réveillerait pas d'un réveil? OK? Un réveil. Alors, souvent, les gens nous disent qu'on a vécu un réveil dans les années 70 au Québec. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. Puis, c'est ça qu'ils nous disent. Puis, tous les gens qui sont ici, en général, font partie de ce réveil-là. Et ils ont vu ceux qui étaient ici, ils ont vu la moisson qui était en train de blanchir. Vraiment. Alors, eux ici, ils le vivent. Puis, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? C'est vraiment très intéressant, non? De voir que ainsi les disciples ont vécu le verset 35. Ça devait être spécial. Ce qui est j'aurais aimé ça qu'ils nous en donnent un peu plus. Tu sais, ils ont prêché combien de fois? Ils prêchaient-tu du matin au soir? Il y en a combien qu'ils ont baptisé? Hein, on aimerait tous savoir ça, là. Mais on n'a pas cela. C'est important de réaliser parce que, je termine avec ce concept-là ici, très peu de gens viennent à l'Évangile parce qu'ils l'ont entendu une fois. Les spécialistes qui ont fait des enquêtes, ça prend entre 6 et 10 fois avant qu'une personne puisse comprendre l'Évangile. Puis encore là, c'est le travail du Saint-Esprit. Tu as beau de l'entendre 20 fois si tu veux, là, mais le travail du Saint-Esprit est important dans cette action-là. Maintenant, troisième point là, que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est celui-là qui m'intéresse le plus. C'est le principe de disponibilité 4:40. Si vous voulez juste aller voir verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta 2 jours. Il est clair que le Seigneur Jésus est très disponible. Okay? Mais le texte nous dit, au début du texte, au verset, j'ai écrit ici, au verset 6, on nous dit que Jésus était fatigué. OK? Il y aurait eu toutes les raisons pour dire, « Hey, les boys, là, j'ai pas le temps, il faut que je dorme, il faut que je me couche, il faut que... je vais revenir dans un mois. » Il aurait pu dire ça. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il a resté avec eux. La disponibilité. Nous avons besoin d'encadrer et d'encourager les nouveaux croyants. L'évangélisation, là, mes amis, ça passe par l'investissement et un soin personnel. C'est important de réaliser cela. À l'exemple de Paul, quand on lit, on est en train de faire un Thessalonicien là, à l'école dimanche, Paul nous dit qu'il a été nourrice pour les gens. Ils ont pris soin, OK, de prendre soin comme des enfants. 1:11 nous dit que Paul a été comme un père.